Audiomatic. Pour introduire cette transmission 271 d'Audiomatic, nous vous avons présenté la pièce « I'm Not From This World » de Nine Inch Nails qui se retrouve sur l'album « Bad Witch » paru en 2018, album qui vient clore la trilogie débutée par le mini-album « Not The Actual Events » en 2016 et poursuivi par « Add Violence » en 2017. Sachez que cette trilogie devait en être une de mini-albums. Par contre, Bad Witch, avec une durée totale de 30 minutes et 11 secondes et contenant au moins 8 pièces, est considéré comme un album studio, soit le 9e de Nine Inch Nails. Voilà donc entamé la première transmission d'Audiomatic de la décennie 2020. Toujours à l'image musicale de ce que furent les transmissions des 5 dernières années, les sonoristes continueront de vous proposer un éclectisme sonore jusqu'à la fin. Thank you. Thank you. Nous venons d'entendre une pièce de Moby, à savoir de Low Hum, apparaissant sur l'album intitulé Destroyed, album paru en 2011. Avant Moby, nous écoutions la pièce de Moment, composée par le projet américain Thor Lundvall, pièce se trouvant sur l'album A Dark Place. Et nous amorcions la séquence musicale avec Trent Muller et la pièce Blue September, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Lisbeth Fritz, qui a d'ailleurs déjà participé aux deux albums précédents de Trent Muller. Cette pièce se retrouve sur le plus récent album de Trent Muller intitulé Observe et sorti en 2019. À Audiomatic, les sonoristes vous présentent maintenant le groupe suisse The Young Gods. I believe in you and in our hearts we know the truth. And I believe in love. And the darker it gets, the more I do try and fill us with your hate. And we will shine a light. And the days will become endless and never turn to night. And never turn to night. And it's just too much. I cannot get you close enough. 100 arms, 100 years. You can always find me here. And Lord, don't let me break this. Let me hold it lightly. Give me arms to pray with instead of ones that hold too tightly. We have no need to fight. We raise our voices and let our hearts take flight. Get higher than those planes can fly. Where the stars do not take sight. And it's just too much. I cannot get you close enough. 100 arms, 100 ears. You can always find me here. And Lord, don't let me break this. Let me hold it lightly. Give me arms to pray with instead of ones that hold too tightly. And then it's just too much. The streets, they still run with love. 100 arms, 100 ears. You can always find me here. And Lord, don't let me break this. Let me hold it lightly. Give me arms to pray with instead of ones that hold too tightly. I let him sleep, and as he does, my whole breath fills the room with love. Hurts in ways I can't describe. My bends and breaks many, many times. And it's born again with each sunrise. And it's born again with each sunrise. Nous terminions cette séquence à Audiomatique avec le groupe anglais Florence and the Machine et la chanson 100 Years de son 4e et plus récent album High as Hope, sorti en 2018. Et tout juste avant, il s'agissait du groupe suisse The Young Gods et la pièce Skin Flowers, remixée ici par le chanteur du groupe Frank Treichler sous le nom de Brain Forest Mix The Orb Style. La version originale de Skin Flowers est parue sur l'album TV Sky que The Young Gods ont lancé en 1992. Toujours à Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce de la formation Moon Duo. Thank you.

pour terminer cette séquence musicale, nous avions droit à la pièce de Stranger Hope composée par le projet Autoclave 1.1. Cette pièce se retrouve sur son troisième album, Love No Longer Lives Here, paru en 2008. Et avant Autoclave 1.1, c'était la formation Moon Duo et la pièce The World and the Sun tirée du nouvel album Stars Are the Light, paru un peu avant la fin 2019. Pour conclure la transmission 271 d'Audiomatique, nous vous offrirons la musique du groupe anglais Black Midi, formé de quatre jeunes musiciens âgés de moins de 21 ans qui ont attiré l'attention de plusieurs mélomanes au cours de l'année 2019 avec la parution de leur premier album Schlagenheim. On ne peut pas dire que la musique de Black Midi réinvente quoi que ce soit, par contre, ce qui est surprenant en écoutant leur premier album, ce sont les différentes influences qu'ils ont été capables d'amalgamer ensemble, parfois même dans la même pièce. On entend parfois des échos de Talking Heads, Heinsturzende Neubauten, Swans, Boredoms, Primus, Sonic Youth, Joy Division et des éléments entre autres de punk, metal, noise et de krautrock. Pour vous donner un léger aperçu de leur musique, si jamais vous êtes l'un de ceux qui n'ont pas encore été introduits à leur œuvre, nous vous présenterons la chanson Hove Schlagenheim. La transmission 272 d'Audiomatique sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h, toujours sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, les sonoristes vous invitent à promener vos oreilles à travers les anciennes transmissions d'Audiomatique, dont l'accès aux archives se fait par les profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc, comme promis, Black Midi et la pièce Of Schlagenheim. C'était Audiomatique avec les sonoristes. So